بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et les vôtres, leur offrant votre amitié, alors qu'ils refusent de croire en cette vérité qui vous est parvenue. Ne vous ont-ils pas expulsé, le messager et vous-même, sous prétexte que vous croyez en Dieu, votre Seigneur? Si vous êtes sortis pour faire effort sur mon sentier et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez, comme ce que vous divulguez. Quiconque parmi vous fait cela, s'égare du droit chemin. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Si jamais ils vous dominent, ils vous traiteront en ennemi, étendront vers vous leurs mains et leur langue avec malveillance. Et ils aimeraient bien vous voir devenir négateurs. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité au jour de la résurrection. Dieu tranchera alors entre vous. Il observe tout ce que vous faites. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Vous avez certes un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions. L'hostilité et la haine se dresseront à jamais entre nous, à moins que vous n'adoptiez la foi en un Dieu unique. » Cependant, Abraham concéda à son père « J'implorerai le pardon de Dieu en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès de lui. » Et lui et ses compagnons implorèrent Dieu, « Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance, et c'est vers toi que nous revenons repentants, et c'est vers toi que sera notre destination finale. » ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour les négateurs et pardonne-nous, Seigneur, toi et toi seul es le puissant, le sage. Vous avez certes en eux un bel exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier. Et quiconque s'en détourne, Dieu se suffit à lui-même et est digne de louange. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Il se peut qu'un jour Dieu établisse des liens d'amitié entre vous et ceux parmi eux qui étaient vos ennemis. Dieu est puissant et il est pardonneur et miséricordieux. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de votre religion et qui ne vous ont pas expulsés de vos demeures, car Dieu aime ceux qui traitent les autres de façon équitable. Il vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion et qui vous ont expulsé de vos demeures ou ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés, les voilà les véritables injustes. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ô vous qui croyez, quand des croyantes viennent à vous en réfugiés, mettez-les à l'épreuve. Dieu connaît mieux leur foi. Si elles s'avèrent être croyantes, ne les renvoyez pas aux négateurs. Elles ne sont pas licites pour eux et ils ne sont pas non plus licites pour elles. Rendez-leur ce qu'ils auront dépensé pour elles. Vous ne serez pas blâmés si vous voulez les prendre vous-même pour épouse, après leur avoir donné leur dot. Il vous est cependant interdit de garder des liens conjugaux avec des négatrices. Réclamez seulement ce que vous avez dépensé pour elles, comme eux ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu par lequel il juge entre vous. Et Dieu est omniscient et sage. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Si quelqu'une vous échappe d'entre vos épouses pour rejoindre les négateurs, et que vous ayez pris un butin à titre de représailles, eh bien, donnez à ceux qui ont ainsi perdu leurs épouses l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé pour elles, et craignez Dieu en qui vous croyez. Ya ayyuhan nabiy, idha ja'aka al-mu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et jurent qu'elles n'attribueront pas d'associés à Dieu, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles n'attribueront pas faussement à leurs époux la paternité d'enfants illégitimes, et qu'elles ne te désobéiront pas en ce qui est convenable. Alors accepte leur serment d'allégeance et implore Dieu de leur pardonner. Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Dieu est en colère et qui désespèrent de l'au-delà, comme les négateurs désespèrent des gens qui sont dans les tombeaux.